Gigi, j'ai de la sous-sous et sauf Kipé, Algérie aux portes de Marseille, original algérien, j'porte ma terre dans le cœur jusqu'à la dernière parcelle. Parce qu'elle a gardé la pêche originelle, originaire, MK vodka, orange à géant. Celle-ci s'est glissée dans mon père, gênant, crie les feux rouges, renversant, foncé au feu vert. J'fais pas les choses à moitié, j'fais pitié, j'fais pas de poids, j'écrase sous mes pieds. Tu puces de ma poêle comme la vérité quand je peux plus. Money, respect and power à tous les agents, fervents, supporters. BGA, Tréma double M représenté dans la salle. C'est de la salsa, en soirée mentée. Un enfoiré mérité de gratter du matin en soi. Écricté, yeah, écricté, yeah, yeah. Laisse ça, je vais chercher le billet jusqu'au Tecos dans un gamos. Stokos, la gamme, on a des polos dans la femme. Des nazos, aspirer les grosses à ta femme. Mazo, des robolos, rolotos, mousmos. En mode 7-8, en mode suçage de beat. Les rappeurs sont plein de merde, plein de bang, plein de bling, plein de blair. Comme Kaina, je crois que je vais tout claquer. Avant de poser mes packs, je crois que je vais te braquer. Avant de passer mon pack, heureusement j'ai le stylo big. Plaque à la toupac, plaque à la toupac. C'est encore poisson, c'est pifton. On veut le bifton. Mec, dis-toi, puisqu'on est là, faut elle la mettre ton. C'est encore poisson, c'est pifton. On veut le bifton. Mec, dis-toi, puisqu'on est là, faut elle la mettre ton. Écoute, les mauvaises gueules en rien à foutre. J'prends mon élan pour foutre la merde. Sous quoi qu'il en coûte, mets l'écouteur. Un catin, mon rap coupe comme un cutter. Tu te payes une bonne tranche en écoutant mon flow tranchant. Mais franchement, ça t'aime, ça tue, ça atteint. Le summum comme Sharon nu, dans les draps de satin. Une berceuse dans les bras de Satan, j'm'enflamme sans qu'on s'y attend. Une berceuse de bac, ouais, j'm'attraque, écoute ce son. C'est du 7-8-51, ça fuse de phase à sous. J'rentre dedans, j'en plante un. On peut racarte en étant balle, j'sors ton état balle. Et quand mon album se vendra à course vite en balle. J'manipule les mots comme une canne, je suis chaud. Tichon dans les veines, tichon mène une dizaine. 7, 8, haute scène, pareil trop de scène. Je me crie, mais en tout cas ça dame pas comme le peuple a sa dame. Une bombe, vitamine, moi se contamine. Les ondes que t'amènes pour les tests on s'abîme. J'ai encore froid, c'est pifton, on veut le bifton. Mec, dis-toi, puisqu'on est là, faut elle la mettre ton. J'ai encore froid, c'est pifton, on veut le bifton. Mec, dis-toi, puisqu'on est là, faut elle la mettre ton. J'ai encore froid, c'est pifton, on veut le bifton. Mec, dis-toi, puisqu'on est là, faut elle la mettre ton. J'ai encore froid, c'est pifton, on veut le bifton. Mec, dis-toi, puisqu'on est là, faut elle la mettre ton. J'suis pas sage, ouais, j'suis pas sage, ouais. J'ai passé l'âge, j'suis plus un ange, délinquance du ghetto. J'fais la guerre en avance, comme ça j'ferai la pub. C'est pas l'imparfait, mais la foi qui nous rend presque parfait. Parfois, j'en ai parfaitement rien à foutre. Tu es pop, pop, pop, pop. Gamma, manga, parfait, on veut les bêtes. Au fait, Papa Noël, pourquoi j'ai pas de cadeau? J'ai pris ta mère en levrette et j'ai braqué un mato. Make what? SM, Eric Alsunsu, mets la gamme. Oh, on met trop la gomme, ton cerveau fait de la gym, premier sur Paname. Ben alors, quelques grammes d'or que t'écoutes en boucle. Le texte, on parle pas, t'aimes pas, tu sors ou tu la boucles. C'est pour mes potes, des putains de bites qui te pètent pour une patte. Pas pour les putes, qu'un pote dans le huc, fils, le flow et patte. Fais tourner le titre avec un putain yo-yo. Ouais, y'a le peu. Mais encore quoi, c'est pifton, on veut le bifton. Mec, dis-toi, puisqu'on est là, faut elle la mettre ton. Mais encore quoi, c'est pifton, on veut le bifton. Mec, dis-toi, puisqu'on est là, faut elle la mettre ton. Mais encore quoi, c'est pifton, on veut le bifton. Mec, dis-toi, puisqu'on est là, faut elle la mettre ton. Mais encore quoi, c'est pifton, on veut le bifton. Mec, dis-toi, puisqu'on est là, faut elle la mettre ton.